The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Already. Déjà. Come back. La rentrée. Fortunately. Heureusement. To go back. Retourner. To know. Connaître. In front of. Devant. Now, a bit faster. In front of. Devant. Fortunately. Heureusement. Come back. La rentrée. Fortunately. Heureusement. To go back. Retourner. In front of. Devant. To know. Connaître. Already. Déjà. Fortunately. Heureusement. Come back. La rentrée. To go back. Retourner. Already. Déjà. Now, use the words in context. Déjà. It's already the return. C'est déjà la rentrée. Heureusement. Luckily, I have a bottle of water. Heureusement, j'ai une bouteille d'eau. Retourner. I'm going back to school. Je retourne à l'école. Connaître. You know her, she's always late. Tu la connais, elle est toujours en retard. Devant. She's in front of the TV. Elle est devant la télé. Déjà. It's already the return. C'est déjà la rentrée. Heureusement. Luckily, I have a bottle of water. Heureusement, j'ai une bouteille d'eau. Connaître. You know her, she's always late. Tu la connais, elle est toujours en retard.